l'occasion de te parler. Quelle folle idée, je me sens si con, mais tu me manques de plus en plus. Mais tu me manques, quoi que tu fusses, et je ne cacherai pas que je me pose des questions. Et je ne mentirai pas, je saurais bien dire non. Toi qui étais souvent la plus frêle arme, toi qui avais sûrement la plus belle âme, je ne retiens que ton être. J'aimerais bien que tu puisses renaître. Mais j'ai du temps.